parler au quotidien. Yvan Amar. Evelyne Latanzio. Dites-moi, Evelyne, supposez qu'un jour, vous ayez affaire à un souverain. Comment allez-vous l'appeler, ce souverain? Si vous voyez un roi, par exemple. Bah écoutez, j'ai l'impression que je serais tellement intimidée que je resterais bouche bée et je serais incapable de lui parler. Eh bien, moi, je ne resterais pas bouche bée. Et par exemple, si j'étais à table avec, que sais-je, peut-être Baudouin, le roi des Belges, je n'hésiterais pas à lui dire « Sire, pouvez-vous me passer le sel ?» Car à un roi, on dit « Sire ». Le mot « sire » est un mot ancien. Il dérive bien sûr du mot « seigneur » qui lui-même vient de « senior » en latin et ça a été un titre de noblesse au Moyen-Âge. On parlait, souvenez-vous, enfin je sais bien que c'est loin, mais quand même, souvenez-vous du sire de Joinville ou du sire de Coucy. C'était un titre de noblesse. La seule chose, moi, que je connaisse vraiment, ce sont des tristes sires, puisque c'est une expression qu'on emploie encore aujourd'hui, non pas très fréquemment, mais volontiers, de manière plaisante et péjorative, lorsque l'on veut désigner des individus à la morale assez douteuse. Tout à fait, mais il ne s'agit pas de leur intelligence. Un triste sire peut être très malin et pour autant ne pas être très recommandable. Maintenant, sire, ce n'est pas la seule façon de s'adresser à un roi. Quand on lui dit sire, enfin, si jamais on lui dit, on s'adresse à lui à la deuxième personne du pluriel. Sire, prêtez-moi votre couronne pour 48 heures. Oui, enfin, encore que je trouverais beaucoup plus poli de dire « Votre Majesté veut-elle me prêter sa couronne pour 48 heures ?» Ça paraît plus plausible, n'est-ce pas? Oui, vous avez plus de chances d'aboutir, en effet. Et là, vous avez eu recours à la troisième personne. Alors, c'est une vieille histoire que cette troisième personne, par exemple, souvenez-vous de l'euro au temps où nous avions des domestiques. Eh bien, que disaient-ils ces domestiques? Madame est servie, l'auto de monsieur est avancé. C'est ça, parler à la troisième personne. Mettons que je sois votre valet de chambre. Oui. Je ne dirais pas Madame Latanzio, vous êtes servie. Je dirais Madame est servie. En tout cas, moi, je vais vous dire une chose, c'est que je trouve que ces domestiques ont un peu plus de logique que ceux qui s'adressent au roi. Madame est servie. Il y a une unité. Nous sommes à la troisième personne du singulier, point final. Tout à fait. Alors que lorsqu'on dit que votre majesté veuille bien remettre sa culotte, si on pense au roi Dagobert, vous voyez qu'on mélange la deuxième personne, votre majesté, et la troisième, votre qu'elle veuille bien remettre sa culotte. Est mal culottée. Eh oui. Dans tous ces exemples, on imaginait qu'on s'adressait directement au roi en question. Maintenant, lorsqu'on veut parler du roi, on dira sa majesté est mal culottée. Et en particulier, à l'écrit, on trouvera l'expression en abrégé S.M.Hassan II, par exemple, dans la presse, c'est sa majesté Hassan II a rendu une visite de courtoisie, etc., etc. Oui, d'ailleurs, ces initiales existent également dans l'emploi votre majesté, V.M. est également utilisé. Ce qu'on appelle un crime de lèse-majesté maintenant est un crime qui porte atteinte à la personne du souverain. Le souverain est en lui tout à fait intouchable et très au-dessus de l'humanité moyenne. Attention, lorsque vous dites à la personne, il ne s'agit pas de sa personne physique, mais pas davantage toujours de sa personne morale et de sa dignité. Aujourd'hui, on parlera très volontiers de crimes de lèse-majesté de manière plaisante et ironique. Vous savez, avec ma copine Béatrice, impossible de faire la moindre critique à son fils. C'est un véritable crime de lèse-majesté. L'idée ici, que c'est un sujet tabou, extrêmement délicat, et qu'il y a un petit peu une disproportion entre la cause et l'effet. Maintenant, on n'a pas toujours le bonheur de s'adresser à un roi, et il y a d'autres titres. Par exemple, si on s'adresse au pape, on lui dira « Votre sainteté », à un cardinal, votre éminence, à un prince, votre altesse, voire votre altesse sérénissime, et même à un ambassadeur, votre excellence, mais c'est un peu vieilli, on lui dira plutôt maintenant monsieur l'ambassadeur.